Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, François G. Couillard. Ce soir spécial, prostitution. Et oui, je suis allé voir aujourd'hui la dernière représentation du film L'Imposture de Ève Lamont. Alors, on va commencer avec un petit bloc sur la prostitution. Deux blocs consacrés à la prostitution, une version angéliste puis une version plus réaliste. On commence avec Pierre Perret et La pute au grand cœur. Raquer un prix dérisoire, je propose au client du boulot bien fait. Il verra bien que je me fous pas de sa poire, car les bonnes manières sont dans le forfait. C'est pour 40 sous, la main dans la poche, sous l'œil du poulet qui en prend la moitié, que j'astique le dard du type le plus moche, jusqu'à ce que le vénard lâche sa purée. Je suis une pute au grand cœur, j'aurais pu être bonne sœur. Pour un petit euro, sous une porte cochère, je vais vider les gourdes, faut gagner son pain. Et là, je m'agenouille comme à la prière pour baguer le nœud du premier clampin. Puis pour 10 euros, c'est la pastiquette, un quart d'heure au plus pour mouiller le tison. Sur le bord du lit, j'étale ma craquette et le type la remballe dans son pantalon. Je suis une pute au grand cœur, j'aurais pu être bonne sœur. Pour 25 euros, j'enlève ma culotte, je parfume le chat, je mets des draps blancs. Si le type est sympa, quand je le décalote, j'y roule un patin sur le bout du gland. Pour le généreux qui m'enfile 40, c'est une autre musique, je baise en chantant. Il peut faire trois fois le tour de ma fente avant de s'en aller retrouver maman. Je suis une pute au grand cœur, j'aurais pu être bonne sœur. Pour 50 euros, là je tombe la veste, j'y fais l'ascension sur la corde à nœud. Descente en rappel jusqu'à ses burettes, mais parfois ce con m'en fout plein les yeux. Et pour 100 euros, que ma boulingonze, il peut exiger en sortant sa fraîche, soit mon nénuphar, soit mon œil de bronze, et son petit Jésus choisira sa crèche. Je suis une pute au grand cœur, j'aurais pu être bonne sœur. Pour 300 euros, j'avale ses roupettes, je peux sucer un homme, des cils au talon. Je peux même lui poncer le borgne à roulette jusqu'à ce qu'il ressemble à un tas de chiffons. Toute la nuit entière, debout à quatre pattes, couché accroupi sous ses coups de bélier, je me laisserai bourrer le pros et la chatte. Et si le mec le souhaite, je peux prendre mon pied. J'étais une pute au grand cœur, et je me suis faite bonne sœur. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Ce qui est faux. Les plus vieux métiers du monde, c'est chasseur, cueilleur et sage-femme. Ça, c'est clair. La prostitution est née environ 3000 ans avant Jésus-Christ, au moment où s'est constituée les premières cités autour des marchés. Ben, l'histoire de l'humanité, c'est beaucoup plus que 3000 ans. C'est des millions d'années. Donc, c'est une institution relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Et lorsqu'on fait la généalogie de la prostitution, on s'aperçoit que le premier proxénète connu, c'est un prêtre. C'est lui qui organisait la prostitution des femmes autour des temples. Et c'était, les marchés se faisaient autour des temples et les revenus de cette prostitution-là appartenaient aux temples. Et les premières formes de prostitution étaient très liées à l'esclavage aussi, hein, bien sûr, et c'est sur les premiers marchés aussi qu'on achetait et vendait des esclaves. Thank you. putelin, putelin, putelin. Festin givré. Modalité, c'est l'échec de ces hommes-là par rapport aux normes de masculinité dans notre société. Et donc là, ça nous donne un plus grand indice. C'est très clair pour Lépine, qui n'avait pas pu rentrer à la Polytechnique, au HEC, et qui voulait se venger en responsabilisant des femmes de son propre échec professionnel. Mais pourquoi c'est si important un échec professionnel chez un homme? Il y a plein de femmes qui ont des échecs professionnels et qui ne prennent pas d'armes. Parce que l'homme se détermine par le travail pour l'essentiel, tandis que la femme se détermine par le travail, mais pas uniquement par le travail. Donc un échec au niveau professionnel va être compensé par autre chose, mais pour l'homme, sa vie, c'est le travail. C'est comme ça qu'on mesure son succès. Et donc, il y a ce phénomène-là. Pour nous, il faut faire une critique de la masculinité telle qu'elle est construite dans notre société, de la virilité telle qu'elle est construite, pour pouvoir comprendre pourquoi des hommes vont tuer d'autres personnes, principalement des femmes, mais aussi des personnes des minorités ethniques et nationales. Elle doit sucer les bites pour pouvoir bouffer. Elle a les cheveux mal peignés, mais ses mamelons a du poignon. pensais que ça valait pas une salope criminelle dans un monde patriarcal qui l'avale. Elle est tellement libre qu'elle doit coucher dehors. J'aime bien les putes de la rue, m'a dit l'homme en rue qui fut. Ce même maigre, c'est son mari qui l'a jamais donné. Son éclat de la tête, il est de beau. Pas de rigueur, plus de strike, de pilule, les menaces de mort. Marie est vierge d'amour, mais la Vierge Marie ne l'entend pas. Elle est mère porteuse de la mère des mères, elle n'a pas de merci ni de messie. Au service du vice, elle est tellement libre qu'elle doit coucher dehors. J'aime bien les putes de rue, m'a dit l'homme en rue qui pue. Ses services coûtent beaucoup, mais pour la battre c'est gratuit. Marchandises emballées de peau, dont profite de les coffres municipaux. La business du bitume, jamais l'homme ne s'anéante sans butri, où les phares se balouent. J'aime bien les putes de rue, m'a dit l'homme en rue qui pue. Du corps de l'éponge, le sperme des hommes, il la traite de conne, a des visages et la conne. Alors explique sous l'épiderme, croyant bien que personne ne l'aime. Une insiduité valorisée, je pense qu'on va dire la réalité. Premier bloc consacré à la prostitution d'un point de vue jovialiste. Dans la pièce, c'était Pute de rue du groupe, je me souviens plus le nom. Juste avant, on a entendu Les Putes de Groupe de Rock. Oh oui, c'est un groupe de rock qui s'appelle vraiment Groupe de Rock. Et la première pièce, c'était Pierre Paret et La Pute au Grand Cœur. Donc, c'est un bloc qui laisse un peu à. Qui induit une erreur dans l'esprit des gens, puisque c'est des chansons qui peuvent laisser présager, surtout dans le cas de Pierre Perret, que la prostitution, c'est extraordinaire, c'est le fun, on a du plaisir. La fille donne 20 cents aux policiers, puis il astique le dard du mec le plus moche. Ça a l'air gay, ça a l'air le fun. Je me suis rendu compte en m'intéressant à la musique prostitutionnelle... que souvent on avait une version erronée de l'exploitation sexuelle. C'est toujours des pièces assez humoristiques, assez drôles. Il n'y a vraiment jamais personne qui a vraiment rendu en musique honneur aux prostituées pour vrai, à part peut-être Georges Brassens avec sa chanson sur les prostituées. Mais quand même, on va écouter deux pièces qui va être plus, à mon avis, dans le vrai esprit de ce que de comment on doit traiter la prostitution. C'est pas quelque chose de gay, c'est pas quelque chose d'amusant. C'est une exploitation sexuelle de la femme par les hommes. Que ce soit... Dans le fond, c'est même un commerce qui est au bénéfice des hommes. Puisque c'est les proxénètes et les clients qui profitent, dans le fond, de la relation. Alors, on va écouter un bloc peut-être plus réaliste. Vous êtes accompagné de François Gécouillard, c'est l'émission Le Cirque Aquatique Magique.

j'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois. Deuxième bloc consacré à la prostitution. On a entendu « Douce maison » d'Anne Sylvestre. Juste avant, c'était... c'était quoi? « Paris pas cher, des vulgaires salopes ». Eh oui. Anne Sylvestre qui faisait remarquer... C'est une chanson sur le viol, si vous l'avez pas compris. Il faut écouter les paroles, hein, c'est important. Il y a des femmes qui disent que la prostitution est un viol parce que ce sont des relations sexuelles non désirées. Si vous pensez que les femmes font ça pour parce qu'ils veulent, parce qu'ils ont... C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Alors, et puis les Paris pas chers, qui parlaient comme ça de... C'est un groupe français quand même très intéressant qui a pas connu un succès absolument énorme. Ils donnent leurs pièces gratuitement sur Internet, les vulgaires salopes. Allez télécharger ça, c'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est du punk de la belle époque, si on veut. Avec des textes intelligents. Anne Sylvestre est venue il n'y a pas longtemps à Québec pour donner des ateliers d'écriture. Elle est venue, comment ça s'appelle, l'Ampli. C'est une espèce de lieu pour les artistes, comme ça, pour développer les talents. Puis Anne Sylvestre, c'est une vieille... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une vieille de la vieille. Elle est née en 34, donc elle est pas très, très jeune, mais elle joue encore, elle fait encore carrière. Elle a commencé à chanter à la fin des années 50, dans les cabarets. Puis à l'époque, elle était surnommée la Brassens en jupon, à cause de la qualité remarquable de ses textes et parce qu'elle s'accompagne à la guitare comme Brassens. Alors, si vous ne connaissez pas l'œuvre d'Anne Sylvestre, mettez la main là-dessus, découvrez ses albums. Elle a vraiment des dizaines d'albums. Son dernier est sorti en 2008. Il s'intitule « Mon jubilé ». On va lâcher la prostitution un peu. On va aller écouter un bloc consacré à la trame sonore d'un film qui s'intitule L'Homme Orchestre. Un film avec Louis Funès. Et la trame sonore a été composée par François de Roubex. Vous êtes à CKIA 88.3, c'est le Cirque Aquatique Magique. Moins de monopole? Vous trouvez que les syndicats prennent trop de place au Québec? Venez rencontrer des gens qui pensent exactement comme vous. Ça se passe à Montréal, au Hilton Bonaventure. C'est bien beau, mais ça ne mène nulle part. Donnez-moi un fusil. Et c'était pas un jeune fou qui s'emballait pour rien. entendre un bloc consacré à la trame sonore du film L'Homme Orchestre avec Louis de Funès, composé par François de Roubaix. Avec un nom pareil, oui, c'est un Français. Qui est né à Neuilly-sur-Seine et mort à Tenerife en 1975. Et en 10 ans de carrière, il a créé un style musical aux sonorités nouvelles. Il s'est amusé beaucoup avec la musique électronique. Et son père aussi composait de la chanson. Il réalisait de la chanson pour des films institutionnels. En fait, il réalisait des films. Et c'est ça qui l'a porté, dans le fond, vers la musique et les films. François de Roubaix. Vous écoutez le Cirque Aquatique Magique en compagnie de François Gécouillard à Sequoia 88.3. Et prenez note qu'en ce moment même, des étudiants sont en train de camper devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les hausses de frais de scolarité. Avec la température qui fait, c'est quand même tout à leur honneur. Et on leur souhaite bonne chance parce qu'ils souhaitent réitérer l'expérience à chaque semaine. Oh là là! On vous invite aussi à supporter la station Sequoia. Vous savez que la situation est critique, la station est en crise et risque de fermer. Ça fait près de 27 ans que la station existe. 150 voix de bénévoles à chaque semaine qui se donnent pour vous. Et pour supporter la station, pourquoi ne pas acheter une carte de membre? Vous pouvez le faire de trois façons. Par Internet sur sequoiafm.org, en personne au 600 Côte d'Abraham, ou vous pouvez appeler 529-9026 sur les heures de bureau. Faites-vous plaisir. Allons écouter un bloc consacré à Dalida. Que le petit incompris là, de la région de Sherbrooke, de Rock Forest, revient en cours à Sherbrooke. On saura s'il est apte, oui ou non, à faire face à la justice. On saura s'il est apte, oui ou non, à faire face à la justice. Oh, comme on dit dans, nous autres, dans les 3X. Fantastique. un bloc consacré à la chanteuse Dalida avec des pièces au nom comme Hé, Modestie Blaise et Baisse un peu la radio. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire en ce moment. Dalida, laissez-vous pas berner par les tons gayerets de ses chansons. C'est une femme qui a connu une vie trouble, une vie extrêmement triste. Dalida, chanteuse et actrice, elle est née au Caire en Égypte, dans une famille d'origine italienne. Et elle s'est suicidée en 87 en avalant des pilules. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de ses amants qui se sont suicidés. Par exemple, quand elle a été marquée dans son adolescence par la mort de son père, qui est mort le lendemain de la guerre. Au lendemain de la... J'imagine c'est le jour après l'armistice. Il a passé la guerre dans un camp de prisonniers. Alors, c'était dans l'Italie. Alors, voilà, le camp de prisonniers, c'était un camp de prisonniers anglais. Et en 67, donc premier malheur, son père qui meurt jeune. Ensuite, en 67, Dalida rencontre l'homme de sa vie. Et il participe au festival de San Remo. Et puis là, son mari, son chum, est drogué et est saoul. Donc, ils échouent le concours, ils perdent. Et le jeune chanteur se suicide en se tirant une balle dans la tête. Et c'est Dalida qui a trouvé elle-même le corps. Il avait annoncé ce soir-là même d'annoncer leur projet de mariage à leurs proches. Alors, c'était bon timing. Mais c'est tellement... Dalida, son histoire est tellement triste que c'en est drôle. Un peu plus tard, en 70, il y a son ex-mari, Lucien Maurice, qui s'est suicidé dans son ancien appartement. Et lui aussi, en se tirant une balle dans la tête. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, il y a son compagnon, Richard Chanfray, qui s'est tué en inhalant le gaz d'échappement de son char. Alors, ça, c'est trois en ligne. Ensuite de ça, c'est fait avorter et ça l'a rendu stérile. Et c'est gay, sa vie. C'est vraiment super gay. Alors, voilà, Dalida. Une femme un peu comme... comment est-ce qu'elle s'appelle, non? La vie en rose, Edith Piaf. Elle aussi, une vie très triste. D'ailleurs, dans le bloc consacré à la prostitution, j'aurais dû passer du Edith Piaf. Ah là là là là là. Vous êtes accompagné de François Gécouillard. C'est plus que quelques minutes avant la fin de cette émission du Cirque Aquatique Magique. Le bureau d'exploration aléatoire. Hey, je pense que ce disque-là, j'ai déjà fait jouer, ça se peut-tu? C'est The Flying Pickets. C'est un beau vinyle bleu. Sur la pochette, il y a l'air d'avoir un espèce de satellite dans l'espace. Et The Flying Pickets. Puis en bas, c'est marqué Lost Boys. Les garçons perdus. Peut-être un vinyle gay. Allons voir. Crunch, crunch. Oh, c'est du barbershop. Nothing is sacred. We live life beside the abyss. Remember this. Remember this. Beck, we am don't quite make up for the loss of the life. Remember this, Southern bananas, for prey to piranhas by night. Remember this, Venceremus, they can't tame us, please remember this. Venceremus will be famous, our names on every list. Remember this. Lost out here in the marketplace with nowhere left to run. Too many people have disappeared to doubt what has been done. Remember this, locked in the stadium are people who fought without fear. Remember this, battered and broken for what they had spoken the year. Remember this, remember this, remember this, remember this, remember this, remember this. C'est déjà tout pour l'émission Le Cirque Aquatique Magique. À votre compagnie, c'était François Gécouillard. C'était pour moi un grand plaisir de vous accompagner ce soir. Pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. À la prochaine.